Bon, pendant qu'Archibaldine et les autres cherchent à contrecarrer l'OPA, il nous faut une idée de génie qui va leur clouer le bec. On n'a pas besoin des aventuriers du truc muche pour montrer qu'on est des bons. Tu marques un point, Ran, mais je ne te cache pas que trouver la saga serait un plus. Enfin, avec les indices qu'on a... Au moins, maintenant, tout le monde est rassuré sur le fait que François TGP n'est pas un traître. De quoi tu parles, Lauren Deal ? Ah oui, merde ! On a oublié de faire un mémo aux autres. Ça va trop vite, vos histoires, là. Ouais, mais maintenant, on regrette qu'il ne soit pas resté là-bas. Ouais, je l'ai justement croisé, François, ce matin, dans le couloir. Il m'a sauté dessus en me disant... Magikira, si je te dis un X marque l'emplacement, à quoi ça te fait penser ? J'ai un peu flippé sur le coup, et je comprenais pas ce qu'il foutait ici, en plus. Ça ferait un bon mono, ça. Ah, mono MP3 ! Mais oui ! Qu'est-ce qu'on est con ! Hein ? Quoi ? Vous voulez tous me faire peur, aujourd'hui ? Ils vont racheter le terme saga MP3, mais pas le terme mono MP3 ! On peut tourner sur les monos ! Et pour les sagas, on fait quoi ? Des monos en série ? Des mots série MP3 ? Ah, tu tiens une idée là, Mimi. On s'occupera des détails plus tard. Il faut qu'on passe le mot à tous ceux qui restent. En plus, un mono, c'est plus rapide à faire. Ah oui, on peut tenter de remplir le calendrier avec. Il a été un peu oublié cette année. On est le 21, c'est pas un peu serré comme timing ? Le concept du calendrier, c'est d'avoir un timing serré. Je suppose qu'il vaut mieux tard que jamais. Exactement ! Ici, on a peut-être pas d'argent, mais on a des idées et on va leur montrer ! La rébellion est en marche ! Ouais ! Non, ça marchera pas. Mais vous dites ça pour toutes mes idées ? Rushkoff a raison. Faut qu'on pense à tous les aspects possibles. Ouais. Je vois pas en quoi mettre un coussin péteur sur la chaise d'Archibald. Salut. Ah, Jean-Lewis. Ce n'est que toi. J'interromps quelque chose ? Non. Ok. Dites, vous auriez vu Archibaldine ? Elle était pas à son bureau ce matin. C'est pendant l'heure de sa partie de Fruit Ninja. Elle a un planning pour jouer au boulot. Je l'ai croisée hier matin. Elle avait l'air assez furibarde. Erika, tu penses que c'est à propos de la discussion qu'on a eue avec Archibald ? Ça s'était bien fini, pourtant. JL, il y a quelque chose qu'on ne sait pas ? Non. Si vous avez peur de nous avouer qu'on s'est fait embobiner, merci, on est assez grand pour l'avoir compris tout seul. Il a fallu un peu aider certains, quand même. Bah aussi, comme toi et Kwam, on avait déjà fait les frais, vous êtes immunisés. Ah, on peut lui dire, finalement ? Vous y allez un peu fort, Archibald essaye juste de faire de son mieux. JL, c'est bon. On s'est fait avoir par une start-up et on a trahi nos potes pour du vent, et on n'a même pas de quoi rattraper ça. C'est assez déprimant, dit comme ça. Grushkov, la situation est déprimante. Le Netto ne survivra pas cette fois. On peut juste essayer de changer les choses de l'intérieur. Mais comment ? Bref, c'est la question qu'on se posait quand vous êtes arrivé. Mais pourquoi vous me dites ça ? Si le docteur est au courant... Bon, vous avez l'air d'en chier autant que nous, donc ça va. On vous voit pas trop comme une menace, ouais. Ouais, je rejoins Silverson. Merci. Mais bon, ce serait sympa de rien ébruter au reste des membres pour l'instant. Faut qu'on fasse le tri entre ceux qui sont fiables et les autres. Et avec l'arrivage des débauchés d'hier, on n'est pas sortis de l'auberge. Écoutez, j'entends vos impressions, mais moi je tiens à mon poste. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi tu veux rester dans une boîte qui manipule son personnel ? C'est pas comme s'ils avaient l'air d'être particulièrement potes avec toi en plus dans la hiérarchie. Eh bien parce que j'ai mes raisons. Mais quand on parle du loup, une seconde. Hé, Baldine. Je suis censé ne pas mourir de rire, là ? Lewis, j'ai besoin d'un coup de main. Mais avant ça, j'ai une question. Oui ? Est-ce que je peux te faire confiance ? Est-ce que je peux te faire confiance, quoi qu'il arrive, oui ou non ? C'est pas un peu direct ? Laisse-moi gérer Johnny. Alors, Lewis ? Bah, oui. Ok. J'ai quitté InMind. Quoi ? Et j'ai besoin de ton aide pour faire couler la boîte. Pardon de me répéter, mais quoi ? T'en es ou pas ? Attends. Faut que tu m'en dises plus d'abord. Ok, je te rappelle plus tard. Ça va, Gignel ? T'as une drôle de tête ? J'en suis. Vous en êtes de quoi ? Vous avez raison. On va faire couler InMind. Ouais, il a pas été trop dur à convaincre. Lewis est un gars fiable, il est juste un peu influençable. Bon, t'es sûr que ça va le faire ? Mon père et les investisseurs de l'ABF ne vont pas se fier à une remarque de la part de la sœur rivale du génial docteur. La compta, c'était moi qui étais censé la gérer. J'ai refilé tout le taf à Jeanne-Denise, mais ils pourront toujours m'accuser du bail. D'où le fait d'aller chercher des gens encore à l'intérieur pour récupérer d'autres éléments. Et puis, vous avez entendu Lewis ? Des anciens du Netto sont déjà sur le coup. Ma relève est assurée. Maintenant, il faut réunir des preuves. Bon, tout repose sur nos anciens traîtres. Y a vraiment que moi qui trouve que cette idée est naze, réflexion faite. Bon. Un mono. Ça pourrait se passer dans les égouts. Ah mais non, mais pas encore ! Si on a besoin de bruitage, on peut mettre sur le coup le père Vandenbosch et ses animaux du Larzac, hein, faut pas oublier ça. Et si on faisait un mono avec des animaux dans les égouts ? Hey, Dr. Wolf, si jamais je te dis le X... Marque l'emplacement, tu me l'as déjà demandé 3 fois, François, et non, je ne sais pas. Tout de même, cette idée de contrainte de rime... Écartée si vite, au lieu de devenir un hymne... Et si nous en faisions quelque chose d'inédit ? Pourquoi pas une fiction toute en I ? Oh, voilà qui serait audacieux ! Et pour les oreilles, délicieux ! Vite, vite, mon clavier ! Allons nous diversifier ! Fais gaffe, je crois qu'elle grince un peu la porte. C'est bon. Archibald est en réunion, on va pas avoir beaucoup de temps. Erika et Grushkov, prenez les armoires. Moi et Silverson, on va fouiller son bureau. Ok. Et moi ? Tu fais en sorte qu'on se fasse pas choper. Oh là là. X, X, X... Ximnut, ça commence par un X sinon. Mais oui ! Ça voudrait dire que la saga, c'est Ximnut ? Oh seigneur, me dites pas que ça va être un truc du style. La saga est en réalité en chacun de nous. Ouais, l'important c'est le voyage, pas la destination. Tout ça. C'est complètement con. Dis-moi, Mitty, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je me retrouve dans la salle d'enregistrement, j'ai l'impression que c'est pour se foutre de moi ? Tu veux sauver le netto ou pas, Jif ? Vu comme ça, oui, d'accord. C'est un peu tourner les choses à ta manière, mais ouais, bon. Tu me passes mon texte, s'il te plaît ? Je dois enregistrer quoi ? Bon. J'ai pas eu le temps d'écrire un script, mais t'inquiète, j'ai de bonnes idées. On va faire un fan footage, va falloir que t'improvises à partir des grandes lignes, mais c'est tout. Qu'est-ce que je fous là ? Allez, lance l'enregistrement. Sa réunion est finie. Le doc va revenir d'ici 5 minutes. Y a pas à dire, le tracking des collaborateurs, c'est utile. On a bien fait de laisser les smartphones dans nos bureaux. J'ai rien trouvé ici. Ah, je crois que j'ai un truc. Hein ? 4 minutes, les gars. Prends tout, on fera le trait après. Y a un dossier investisseur ici. Je le chope aussi ? Ça va se voir, non ? Il a pris une trottinette ! 2 minutes ! Tiens, elle refonctionne maintenant. On prend tout. Et donc, vous cherchez quoi ? Un X. Bah, y'a moi en X déjà. Excuse-moi, ton deuxième prénom, c'est Aventurier du MacGuffin ? Bah non. Donc non. Je comprends pas plus du coup. Ah, on se disait que Archibald Senior avait peut-être planqué sa saga sous un autre nom ou un autre pseudo. Du coup, on cherche des vieilles sagas ou des auteurs qui commencent par X. Avec minimum 2 épisodes produits, bien sûr. En espérant qu'il ait juste pas éparpillé des samples partout, parce que sinon on n'est pas sorti. Hein. On est d'accord qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin, hein, sans même savoir s'il y a une aiguille. Ximnut, tais-toi et aide-nous. Bon, demandez-y gentiment. Magic Iria, t'aurais des musiques sympas en stock, je viens de finir le mixage d'un mono et... C'est un peu bâclé, donc tu veux couvrir ça avec un bon fond musical. Ouais. Dois voir ce qu'il faut, je viens de finir le mien aussi de toute façon, et giga bâclé aussi. On fait ça ensemble ? Vendu ! Comment ça, vous avez tout pris ? On n'a pas eu le temps ! On va se faire virer si fort ! Oui, là, ça passera pas inaperçu. Faut pas qu'ils se doutent que c'est vous maintenant. Attendez, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Tous les autres investisseurs sont déjà quasiment hors-jeu. Ils les ont lâchés en voyant qu'ils tiennent pas leurs promesses. J'ai tous les rapports sous les yeux. Si la banque financière voit ça, ça pourrait les convaincre de laisser tomber. Ouais, de mon côté, j'ai la main sur un plan de restructuration de l'entreprise une fois le netto définitivement hors jeu. Il va virer la plupart d'entre nous et sous-traiter la partie scénario. Donc on servirait plus à rien. Merde. Classique. Les membres restants seraient là juste pour écrire les sagas sponsorisées par des marques. J'en connais pas beaucoup qui seraient ok avec ça. Ah, j'étais pas au courant de ça, moi. Bon, vous pensez qu'on a ce qu'il faut ? Non, parce que là, franchement, j'ai pas envie de rester dans In Mind une seconde de plus, là. Ouais. S'ils décident de jouer avec les petites lignes du contrat pour nous obliger à faire ça, on risque d'être coincé ici. Je comprends, mais on a besoin que des gens de l'intérieur fassent remonter des problèmes internes aux investisseurs. Les gars, j'ai une idée. C'était juste là ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, Archibald. Ah, je suis blessé. Écoute, c'est pas du tout le moment de faire ton rapport, je suis un peu occupé. Archie, il faut vraiment que je te parle. On a quelques soucis. Oui, et ben moi aussi ! Oh, bordel, mais il est où ce dossier, bon sang ? Si tu parles du plan de restructuration... Quoi ? Mais non, je parle du... Attends, qu'est-ce que tu dis ? C'est affiché dans tous les couloirs. Et envoyé par mail à tous les membres de la boîte. Quoi ? Mais comment ils ont trouvé ça ? Alors, c'est vraiment ce que tu prévoyais ? Non, enfin, si, enfin, pas, non, pas tout le monde. Ce rapport est incomplet. Bref, appelle TJP, il saura faire le ménage dans tout ce bordel. Ah, à ce sujet... Quoi encore ? Il vaut mieux que tu le lises toi-même. Mmh. Cher docteur McGuffin, je vous remercie pour cette brève et très utile collaboration, mais tout est désormais à sa fin. Votre entreprise de Troufion peut bien aller se faire. Les quatre pages à la suite sont du même acabit. Il est parti ? Il n'est pas le seul. Bon, va chercher Archibaldine, j'ai besoin Elle aussi. Hein ? Archibaldine est partie. Elle a démissionné hier matin. Qui d'autre est parti ? Honnêtement, la liste est dure à suivre. Les lettres de rupture de contrat pour non-respect des clauses affluent. On ne pourra pas étouffer l'affaire. Archibald ? Merde ! Merci. Le netto. Enfin. On s'y prend mal. Après une bonne pause, on y verra plus clair. Chaque minute compte, on perd du temps là. Sois pas aussi. C'est Fall. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié que t'étais en vadrouille, toi. Je suis content de vous revoir aussi, les gars. T'étais bien, le Mexique ? C'était chouette. J'ai même ramené un souvenir en CD. Et je suppose que t'as rien trouvé sur la saga Amassi ? Eh bah, justement, T'en fais pas les autres non plus, hein. Ah, mais si tu me laissais le temps d'en placer une, Si je te dis... Je sais où est la saga. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Réunissez tout le monde. On a une planche sous du pain.